mwen son chauffeur taxi. Toute la journée la paix roulée. Madame mwen son chauffeur taxi. La paix roulée, la paix roulée, la paix descend. Mwen rele yon taxi pou mal lanti bal pitiyon vil. Les taxis a fin déposé, mwen pa gen l'argent pou paye. Discussion nan sonman et babillage nan la ria. Sécurité du débarqué, mwen pa gen l'argent, mwen tombe rele. Mes amis, nan ki sa mi la, parce que pa gen l'argent. Si m'te konne pa ta pou de taxi ou la chérie, parce que pa gen dola. Oui, pa gen l'argent, oui, pa gen l'argent, oui, pa gen dola. Parce que pa gen l'argent. La police vini pou vin arrete chéri. Parce que pa gen dola. Oui, pa gen l'argent, oui, pa gen l'argent, oui, pa gen dola. Si m'te konne pa ta pou de taxi ou la chérie. Moi qui me parle, j'en oublie. Mais ça, c'est des.